Paul Arène, vers la Calanque, sixième partie, au bruit des Calanques. Les bouchons. Une carte de Nouvel An venue de l'extrême midi avec ces simples mots. Le capitaine Saint-Égousse. Un bouchon de champagne oublié sur la nappe. Et voilà que, pendant la minute de silencieuse accalmie qui termine tout bon déjeuner, au milieu des arômes combinés du mocha frais servi et des premiers cigares, ma pensée s'envole, vagabonde, vers les chers pays de lumière où je connus tant d'heureux jours. Je me trouvais donc, voici de cela, bien quelques années, citoyen de l'antique Antipolis, que ses propres habitants appellent encore Antiboule, et que, dans leur langage impur, comme dirait Hugo, les barbares nomment Antibes. Nous pêchions autour du cap incomparable avec le capitaine Saint-Égousse, alors dans toute la fleur de sa soixantaine, ou plutôt nous nous imaginions pêcher, car, certes, il aurait fallu être capable d'assassiner père et mère pour esquer sérieusement le Scipion et le mourait doux par le beau soleil qu'il faisait. Notre barque amarrée aux racines d'un vieux pin. Les pins, en cet endroit, descendent jusqu'au bord, ainsi que les lentisques et les myrtes. Nos lignes déposées dans la barque, nous allions ainsi le long de la mer retentissante, tantôt cheminant sur le sable, des innombrables petites criques dont toute la côte est découpée, tantôt excoriant nos chaussures sur la roche vive, sonore et blanche, des minuscules promontoires qui les séparent. Soudain, de la cime d'un bloc calcaire, qui lui faisait un piédestal, le capitaine Saint-Égousse, parti en avant, s'écria « Terre de Dieu !» C'était son juron ordinaire. « Terre de Dieu, que de bouchons !» En effet, la nouvelle crique découverte par Saint-Égousse et vers laquelle aussitôt nous dégringolâmes présentait un spectacle réellement pas ordinaire. Au lieu d'avoir, comme les autres criques en bordure de la courbe que dessinait son rivage, deux simples ourlets, l'un d'écume blanche comme argent, l'autre d'arène mouillée, celle-ci possédait un troisième ourlet de couleur vague et plutôt grise, composé de bouchons circulairement alignés. Bouchons de toute forme et de toute origine, les uns à peine dégrossis, négligeables déchets entraînés par les torrents du fond de ces montagnes mortes où d'industrieuses peuplades manufacturent la dépouille des chênes lièges écorchés. Les autres, ayant servi déjà et gardant encore sur leur fin tissu qu'un noble goulot comprima, la marque des grandes maisons de champagne, dont Sonore, Reims et Épernay. Ajoutons que ces derniers, en nombre d'ailleurs considérable, devaient provenir de petites fêtes que se donnent, entre le ciel et l'eau, nos escadres, alors qu'elles stationnent aux rades voisines de Villefranche ou du golfe Juan. Rien de plus naturel qu'un tel phénomène. Seulement, pour se l'expliquer, il faut, sinon être savant. Les savants ne savent pas grand-chose, mais du moins avoir une idée de ce qui se passe journellement au sein des mers. La Méditerranée, que les poètes prennent volontiers pour une déesse paresseuse lorsqu'elle sommeille, indolente, dans son manteau d'azur pailleté, se fait reconnaître au contraire à l'œil attentif de l'observateur comme la plus active des ouvrières, n'ayant nuit et jour d'autres soucis que de trier, suivant leur nature et leur densité, les divers objets innombrables qui lui viennent soit de la terre, soit du ciel. Nous parlons des objets flottants. Les lingots, eux, vont aux abîmes. Admirable machine que la mer, où, grâce à d'invisibles courants, tout se distribue et se classe. Nos pêcheurs ne s'y trompent point. Ils savent trouver dans telle calanque le léger charbon de l'estérel tombé à l'eau tandis qu'on chargeait les tartanes. Dans telle autre, les Pierrepont amenaient un soir de tempête du Vésuve ou du Stromboli. Et c'est pourquoi le capitaine Saint-Égous ne s'étonnait point de voir ainsi rassemblés au même endroit tant de vieux bouchons à champagne. Saint-Égous semblait plutôt s'attendrir et tenant délicatement entre le pouce et l'index, comme il eût fait de quelque morille frais cueillie, un des bouchons ramassés au hasard. « Vous ne sauriez croire, ami, dit-il, quels agréables souvenirs me rappelle ce morceau de liège moisi. » Puis il me pria de m'asseoir à côté de lui, cul dans l'algue, et me raconta son histoire. La chose se passait vers la fin de l'Empire, temps béni, s'il vous en souvient. Tout le monde était jeune alors, et les joyeux cabarets d'antan, vibrant de lumière et de bruit, n'avaient pas encore été détrônés par la stupide brasserie. Nuit de Brébant, nuit du Helder, où sont vos fleurs, où sont vos femmes? Saint-Égout s'arrêta puis reprit. La récolte de l'oranger se trouvait exceptionnelle cette année-là, et je venais, censé pour affaire, de débarquer seul à Paris, apportant au fond de ma valise un demi-estagnon de Néroli, providentiellement échappé au contrôle jaloux de Madame Saint-Égous. Le Néroli, qui est l'essence des pistils d'orange, et que le bon péresque appelait eau de naf, d'un mot arabe qui veut dire tout à la fois brise et parfum, se vend quasiment au poids de l'or. Mon quart d'estagnon de Néroli représentait donc, sans qu'il eût paru, quelque chose comme un fort carnet de chèques. Je ne fus pas long à l'effeuiller. Tant que le Néroli dura, à partir de minuit et jusqu'au lever frileux de l'aurore, on ne vit que moi dans tous les endroits où l'on soupe. On ne vit que nous, devrais-je dire, car Lia ne me quittait plus. Vous avez dû connaître Lia, le modèle des bonnes filles. Un peu intéressée, peut-être, mais je lui pardonnais volontiers, d'abord parce qu'elle était belle, ensuite en considération de son nom, suavement biblique, et de la courbe expressivement aquiline de son nez. Un détail. Lia raffolait du champagne, ce qui peut sembler naturel, mais non contente de le boire, elle le faisait servir à mille jeux, dont le plus spirituel consistait en ceci. De le vider par bouteille et par carafe dans l'intérieur des pianos, prétendant que, puisque les pianos de cabinet particuliers affectent presque tous de rester muets quand on les taquine, une cure au champagne était le seul moyen de traiter efficacement leur aphonie. Le modèle des bonnes filles, comme j'avais l'honneur de vous le dire, cette mince et brune Lia. Or, le jour des adieux qui furent déchirants et qui précisément coïncidèrent avec la fin du Néroli, voilà que, ma valise faite, et tandis que je furetais pour voir si je n'oubliais rien aux coins et recoins de l'entresol où Lia me donnait de l'hospitalité, mes mains rencontrèrent un sac énorme, un sac, ma foi, plein de bouchons, en tout pareil à celui-ci. Sur quoi Lia daigna m'expliquer, non sans rougir un peu toutefois, que les patrons des cabarets nocturnes avaient coutume de donner aux galantes habituées de leur établissement, tant par bouteille bue ou qu'elles faisaient boire. Le bouchon conservé devenait la pièce comptable et l'on payait à bureau ouvert. Lia, paraît-il, en avait déjà plusieurs sacs rangés dans sa cave. Elle les gardait pour sa dot, comptant bien ne réaliser que lorsque le moment serait venu de s'établir honnête femme. C'était la mœur patriarcale, conclut Saint-Égous avec un soupir. Et comme le soleil tombait, enflammant l'Occident d'une gloire de pourpre et d'or, nous nous réacheminâmes vers la barque. Saint-Égous tenant son bouchon et demeuré mélancolique, moi doucement impressionné par le récit de Saint-Égousse. 6 janvier 1896.